Chapitre 9e. Georges Fritz était d'une nature à part, blond avec des yeux bleus. Il figurait ce mysticisme allemand qui porte sans cesse ses regards au ciel. Son corps était frêle et délicat. L'habit semblait s'être retiré chez lui vers les régions supérieures de la tête, qui l'avaient très vaste et très développée. La Bible veut sans doute désigner ces formes extraordinaires du front, quand elle nous représente en plusieurs endroits Dieu se manifestant à l'homme sur les hautes montagnes. Depuis sa visite au château, il semblait plus rêveur et plus contemplatif que jamais. Enfoncé mystérieusement pendant des journées entières au fond des bois, sans prendre aucune nourriture, il semblait, comme tous les esprits inquiets et tourmentés de découvertes ténébreuses, avoir besoin de se rapprocher de la nature. Quelquefois, cette inquiétude infinie éclatait dans des délires sombres et lyriques qui justifiaient les bruits du pays sur les relations de Georges Fritz avec les esprits, espèces d'êtres fort inconnus des Berrichons, gens pour la plupart assez lourds et épais, qui tiennent à justifier le proverbe. On le voyait souvent passer sur les hautes montagnes, les cheveux au vent, la bouche agitée, et murmurant quelques paroles vagues, les yeux fixés sur l'horizon dont il dévorait avec des regards farouches l'étendue sans bornes. La vieille servante Marthe commençait à entrer en grand tourment de son maître, et à craindre qu'un char de feu ne descendît quelques beaux jours du ciel pour l'enlever comme le prophète Élie. Georges Fritz était à la recherche de la vie. Comme ces anciens alchimistes qui demandaient à la nature le souffle générateur pour animer des statues ou des automates de leur invention, le jeune docteur demandait aux étoiles, à la lumière, au vent et aux eaux, une âme pour Pulcheri, qui n'était guère en effet qu'un automate de chair et une statue tiède. Il eût voulu aspirer un instant cette haleine féconde et intelligente qui peuple incessamment le ciel et la terre de créatures sans nombre. Penchant sa bouche sur les abîmes, il cherchait à tirer dans sa poitrine insatiable l'élément primitif de la vie. Mais la poitrine humaine ne saurait contenir ce souffle créateur, et l'âme insaisissable fuyait éternellement les lèvres avides du savant. Georges Fritz avait des jours de désespoir et d'abattement durant lesquels il appelait la mort. Mais bientôt le concert éternel de la création le conviait de nouveau aux intarissables jouissances de l'être infini. Souvent, dans sa démence, le jeune docteur, qui croyait à la transmission des âmes, appuya ses lèvres sur la bouche mourante des jeunes filles. Il demandait à leur organisation éteinte de lui céder son principe de vie, pour en animer cette ève incomplète et inintelligente, à demi sortie du flanc éternel de la nature. Plongé, en un mot, dans toutes les angoisses et les mélancolies d'un enfantement moral, Georges Fritz flottait alors, sombre, indécis, immense, comme jadis l'esprit créateur à la surface des eaux.